Rasher, rasher. Een, deux, zes. Tu demandes un retour. C'est parti. Lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Lâche à Lucifer. Mémoire dans la peau, calage dans son étui. Baraque sur Monaco, je serai meilleur demain qu'aujourd'hui. 2013 est à nous, les liasses, les thunes, les jaloux. Posé sur la cover, la réussite j'y prends goût. Pété comme un hippie, ennemi tout vert comme un yippie. Fusionnel comme Vegeta, prépare un scud pour mes ennemis. Jaguar, comment attendre son but quand tu sais pas cadrer. Rocher physique, médite, t'es plus là. On tasse la tannée. On arrive, c'est la hache, bah oui. Les autres sont nazes. On est des pyrénées du débit, mes phases. Déstabilise les RG, les PD, les mecs ramés. Ralala, si tu savais ma musique, boum, dans vos palais. On a parié, parlé, t'es pas préparé à surmonter le CD. Ton flow est comme Michael Jack, il est décédé. Accélération, balai sur le beat. C'est la mise, c'est la crise, c'est la haine, c'est la tisse, c'est la fiche, c'est la maîtrise, tu le sais qui te brise. Rêve. Que les meufs m'appellent, ma gueule, j'en ai rien à foutre. Si là tu m'appelles, c'est sûr qu'on y va tous. Posé Merco Benz, Ferrari, y'a de la fouf. Plus y'a qu'à sauce, moins y'a d'ennemis à mes trousses. Donc lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Lève ton Glock en l'air, lève ton Glock en l'air. Que le rap se réveille, la chatte à Lucifer. Vendeur de rêve, vendeur de rêve. Vendeur de rêve, vendeur de rêve. N.A. 2, CES, 48 City, VLT Thug. Y'a pas de vendeur de rêve ici ma gueule. On est pas la lune hein, t'as même pas la fusée. Tu promets des montagnes, hey, prends le cherfesse ma gueule. T'as même pas la colis. 94 ma gueule. Je t'avais prévenu, cette année c'est la hagra de ta vie. 9, 4.